Dossier 6. Livre, page 78. Question A. 1. Tu aimes vivre à la campagne ? Oui, j'aime surtout admirer les champs de vignes. 2. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main ? Une craie rouge. Bravo, tu as gagné. Voici 100 livres syriennes. 3. Le magnésium, c'est quoi ? C'est un métal léger, blanc et argenté.